l'heure des carrefours giratoires, la priorité n'est plus à droite. Le sens trigonométrique de l'espoir ne tourne pas comme la chance étroite de celles ou ceux qui votent à gauche, malhabiles ou maladroites. Aujourd'hui, un seul seigneur embauche, il est au service des watts. À l'heure des plaisirs à pile, pour le fric, l'homme a la main verte. Il traite, négocie, vend et empile, laisse même les portes ouvertes à celle ou celui dont la face a le profil d'une plante honnête. Et viendra acheter la farce, car de nos jours, tout se fête. À l'heure de la communication mondiale, le bonheur pousse sur les nombrils. Laissez faire le net ombilical, génération de débiles. Pour ceux qui n'enverront pas d'email, il reste tout de même la carte postale. Les camps de vacances où se mêlent tout sauf la population locale. J'espère à l'heure.